La paire. Ce qui compte pour être bien chez soi, ce n'est pas le temps qu'on y passe, ni les questions qu'on se pose, mais plutôt à qui on fait appel. Ce qui compte, c'est d'être bien chez soi. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Conseil à domicile, conseil en magasin, atelier, livraison, pause, on vous accompagne dans tous vos projets. La paire, la qualité réservée à tous. Conditions sur lapaire.fr. La postérité des fragments d'Héraclite ne s'est pas arrêtée aux frontières de la Méditerranée. En 1917, le penseur indien Sri Aurobindo publie un court texte sur Héraclite dans lequel il interroge les liens entre philosophie grecque et spiritualité indienne. Sri Aurobindo. Son nom ne vous dit rien ? Alors commençons par lui tirer le portrait. J'ai sous les yeux, tandis que je vous parle, une image fascinante. C'est une photographie de Sri Aurobindo. Des yeux immenses et sombres, de longs cheveux lisses, une moustache tombante, une barbiche floconneuse, le torse nu et brun encadré dans un vêtement de lin immaculé. À quoi ce portrait ressemble-t-il ? À quelque figure hiératique de l'ancienne Byzance peut-être, ou on dirait d'un Christ d'une religion toute proche de nous et dont nous sépare cependant une distance mentale infranchissable. Pour transcrire l'expérience religieuse de Sri Aurobindo, les mots nous manquent, et lui-même avait fait vœu de silence, renonçant à toute manifestation. Bonjour Marc Balanfa. Bonjour Adèle Vonneret. Bienvenue sur les soins de la philosophie. Merci. C'est toujours un plaisir de vous y recevoir, d'autant plus aujourd'hui, car quand on vous a proposé de participer à cette émission, après notre découverte de ce texte de Sri Aurobindo sur Héraclite, vous avez tout de suite dit oui, alors que le sujet est assez ardu, parce qu'en fait ce texte-là, personne ne le connaît. Et je vous remercie de me l'avoir fait connaître, parce que j'en avais à peine entendu parler, et j'ai beaucoup de choses à dire sur ce texte aujourd'hui, et sur Aurobindo. Alors justement, on a commencé avec un portrait d'Aurobindo proposé par Jean Amrouche, c'était en 1950, des idées et des hommes sur la RTF, on avait le grain de l'époque. Il le présentait comme un homme religieux qu'il n'arrivait pas à décrire. Il dit « Pour décrire cet homme, les mots me manquent ». Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Je vois un peu effectivement d'où peut venir sa gêne. En fait, je pourrais commencer par dresser un court parallèle entre la philosophe Simone Weil et Aurobindo. Ils ont en commun tous les deux d'avoir été, dans leur jeunesse, des révolutionnaires avant de s'orienter vers la mystique. Mmh. Alors, pour être Simone Weil, on le sait bien, c'est très documenté, mais pour Aurobindo, on le sait également. Hein. Si je reprends en substance donc un très bon livre qui s'appelle « Les racines intellectuelles du mouvement d'indépendance de l'Inde », on y découvre qu'Aurobindo, au fond, a été l'inspiration vraiment humaniste et mystique des révolutionnaires indiens. Dans les années entre 1905 et 1910, à peu près, parce que c'est l'époque où Aurobindo donc a arrêté. Parce qu'il est né en 1872. Voilà, il est né en 1872. Donc il a fait il a passé sa jeunesse en Angleterre, donc où il a été formé en Angleterre. À Cambridge, voilà. King's College. Exactement. On y reviendra tout à l'heure. C'était un excellent helléniste. On aura l'occasion d'en reparler et on verra pourquoi effectivement c'est important. Ouais. Parce que à la différence de beaucoup d'Indiens de son époque, il connaît le grec. Je dirais que parmi même les grands pandites et les grands lettrés de l'Inde, au début du XXe siècle, quasiment personne ne connaît la langue grecque. C'est quoi un pandite ? Alors un pandite, c'est pandite, ça veut dire le professeur. C'est-à-dire c'est le grand lettré, hein, celui avec qui les Occidentaux vont étudier des textes, comme je l'ai fait moi-même. Et Urbino donc a vraiment a joué un rôle considérable dans l'émergence d'une conscience indienne. Et il a lui-même fondé plusieurs magazines dans lesquels il attaquait l'Empire britannique avec une virulence absolument radicale. Alors, il est vrai que lui-même n'optait pas pour la violence, mais autour de lui, je dirais qu'il a laissé faire en quelque sorte un certain nombre de gens, en particulier son frère, qui étaient prêts à passer à l'acte. C'est-à-dire que son frère, par exemple, était spécialiste de la fabrication de grenades pour faire des attentats. Et à l'occasion donc d'un attentat qui a... Pour lutter contre l'Empire britannique. Ouais. Voilà, il fallait assassiner des grands représentants de l'Empire britannique. Et il y a eu beaucoup d'assassinats au début du XXe siècle en Inde. Et à l'occasion donc d'un attentat manqué, son frère a été arrêté ainsi que lui-même. Et au moment de leur procès, Aurobindo a refusé de parler parce que il ne voulait pas, je dirais, se dédire, et il ne voulait pas surtout prendre ses distances par rapport à son frère et par rapport aux révolutionnaires, mais il a refusé de parler. Donc lui, il a simplement écopé d'un an de prison, alors que son frère, qui lui était plus, je dirais, revendicatif, a assumé sa tentative d'attentat et a été condamné aux travaux forcés sur les îles Andaman. Donc ce qui est vraiment le bagne, hein. Pire que le bagne de la Guyane pour la France. Alors, ceci pour dire que Aurobindo a vraiment participé, parce que dans ce livre dont je parlais tout à l'heure, Aurobindo a quasiment le plus d'occurrences dans tout le livre. C'est-à-dire quasiment à toutes les pages, on fait référence à Aurobindo. Parce que les révolutionnaires se revendiquaient de lui, Gandhi s'est revendiqué de lui, et même quand Aurobindo a cessé toute activité politique, c'est-à-dire en 1910, au moment où il sort de prison, et il dit que, voilà, il a fait une certaine expérience spirituelle en prison, qui maintenant lui interdit de rester en politique, et il veut se consacrer à la méditation et à son chemin intérieur. Donc c'est en prison qu'il découvre la spiritualité. Absolument. Et il part à Pondichéry où il restera donc jusqu'à sa mort en 1950. Et à plusieurs reprises, Gandhi lui a demandé de revenir en politique, d'être même le président du Congrès national. Il a toujours refusé. Mais c'est pour vous dire à quel point Aurobindo, c'est une figure centrale de la lutte pour l'indépendance indienne. Hein, ce que peu de gens savent. Donc, bien sûr, il est mystique, il est religieux à partir de 1910, mais avant cela, ça a été un révolutionnaire et quelqu'un qui avait conscience que l'Empire britannique n'était que despotisme, massacre, corruption, et qu'il fallait que les Indiens passe à l'action pour se défaire de cette tyrannie. Et c'est de cette manière qu'on s'en souvient en Inde, parce qu'en France, ceux qui connaissent Sri Aurobindo, c'est plus le côté ashram, spiritualité, yoga, que militant armé. Les historiens indiens, parce que maintenant il y a un grand nombre d'historiens indiens, savent à quel point Aurobindo a été central. Hein. Le livre auquel je faisais allusion au début de l'émission, rappelez-nous le titre. Les origines intellectuelles du mouvement d'indépendance de l'Inde, qui a été écrit par Prithvindra Mukherjee. Donc un Bengali, oui, alors c'est souvent une affaire de Bengali. Hein. Il faut bien dire que les intellectuels bengalais ont joué un rôle considérable dans la lutte pour l'indépendance. Pourquoi le Bengale en particulier ? Pourquoi les Bengalis ? Parce que c'était des gens extrêmement lettrés, de très grands artistes, parce que les Anglais ont eu besoin d'eux. Les Anglais ont compris que sans les Bengalis, ils ne pourraient pas faire tourner la machine administrative indienne. Les Bengalis, en retour, ont accepté dans un premier temps effectivement d'être les, en quelque sorte, les Sherpas des Britanniques, c'est-à-dire bon voilà ceux qui les introduisaient dans la culture indienne. Mais à partir d'un moment, les Bengalis ont retourné les armes que leur avaient données les Anglais contre l'Empire britannique lui-même, comme Aurobindo l'a fait. C'est-à-dire qu'après avoir fait ses études en Angleterre, il revient en Inde et là, avec l'anglais, parce qu'il écrit principalement en anglais, avec l'anglais, il va lutter contre le Raj britannique. Et est-ce qu'il faut vraiment distinguer les deux périodes de la vie de Sri Aurobindo comme étant deux moments de sa pensée ou de son action qui s'opposent, ou est-ce que même dans le domaine spirituel qu'il va profondément investir dans la seconde partie de sa vie, il reste un militantisme et une dimension politique ? Bah là, vous savez, alors là, c'est comme avec Simone Veil, il y en a qui disent, voilà, il y a césure ou il y a continuité. Bon, effectivement, ça, après, c'est selon son tempérament philosophique, mais je dirais qu'il y a quelque chose, sans doute, qui se continue, c'est une forme de radicalité. Parce qu'il était radical dans sa contestation de la domination britannique, donc dans les années entre 1905 et 1910. Et après, donc, quand il est sur son chemin religieux, il fait preuve d'une autre radicalité, dans l'idée que voilà, on doit produire un autre homme. L'homme n'est pas encore achevé. Il faut poursuivre la croissance de l'homme, mais dans un sens spirituel. Il faut poursuivre l'approfondissement spirituel de ce qu'est l'homme. Donc il pense. Alors c'est très différent de le transhumanisme. Aujourd'hui, le transhumanisme voudrait développer l'homme, mais principalement d'un point de vue physique et psychologique, c'est pas ce qui intéresse Aurobindo. Lui, c'est le point de vue spirituel. C'est-à-dire comment ouvrir la conscience de l'homme à des choses qui, pour l'instant, lui sont étrangères ou lui sont extérieures. Voilà ce qu'il appelle un approfondissement spirituel. Alors après, il y a un grand nombre de termes très techniques sur lesquels je ne reviendrai pas. Le surmental, etc. Bon, je crois que ça n'ajoute pas grand-chose au fond tous ces néologismes. Je crois que l'idée, c'est que l'homme n'est pas achevé, qu'il y a un avenir de l'homme, et que cet avenir de l'homme doit se réaliser du côté de la méditation, de la conscience, et pas spécialement du point de vue de l'intellect. Il fait une distinction entre les deux. Je n'avais jamais lu de mystique, parce que je n'avais jamais rien senti qui m'ordonnât de les lire. Dans les lectures aussi, je me suis toujours efforcée de pratiquer l'obéissance. Il n'y a rien de plus favorable au progrès intellectuel, car je ne lis autant que possible que ce dont j'ai faim, au moment où j'en ai faim. Et alors je ne lis pas, je mange. Dieu m'avait miséricordieusement empêché de lire les mystiques, afin qu'il me fût évident que je n'avais pas fabriqué ce contact absolument inattendu. Pourtant, j'ai encore à moitié refusé, non mon amour, mais mon intelligence. Je ne me demandais jamais si Jésus a été ou non une incarnation de Dieu, mais en fait, j'étais incapable de penser à lui sans le penser comme Dieu. Au printemps 1940, j'ai lu la Bhagavad Gita. Chose singulière, c'est en lisant ces paroles merveilleuses et d'un son tellement chrétien, mise dans la bouche d'une incarnation de Dieu, que j'ai senti avec force que nous devons à la vérité religieuse bien autre chose que l'adhésion accordée à un beau poème, une espèce d'adhésion bien autrement catégorique. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons d'Héraclite cette semaine, les fragments d'Héraclite dans ses liens aujourd'hui avec la spiritualité indienne en compagnie du professeur de philosophie Marc Balanfa. Vous évoquiez Simone Veil, les rapprochements entre Sri Aurobindo et Simone Veil, Marc Balanfa. J'ai lu un extrait de l'autobiographie spirituelle de Simone Veil qui va nous permettre de préciser les rapports, on y vient, entre Héraclite et Sri Aurobindo, notamment avec ce rapport à la spiritualité et au rôle que l'intellect peut y jouer, justement. C'est ce que vous disiez juste avant que je lise le texte. Jusqu'où ce rapprochement que Simone Veil fait dans ce texte-là entre la religion chrétienne et ce qu'elle lit de la Bhagavad Gita est emblématique des relations, des rapports entre la philosophie occidentale et la spiritualité indienne? Ce rapport, effectivement, on peut, d'un point de vue comparatiste, même si la philosophie comparée est une épreuve difficile à mener, d'un point de vue comparatiste, effectivement, la philosophie indienne apporte, en tout cas à la philosophie occidentale, un jugement un peu plus critique sur ce qu'est l'intelligence ou sur ce qu'on appelle un acte intellectuel. Et par exemple, Aurobindo, et là, il a sans doute des réminiscences de ses études en Angleterre et en Inde avec les textes indiens. Aurobindo a bien conscience que l'intelligence par elle-même ne peut pas tout. On peut avoir une vision intellectuelle, par exemple, du tout, du cosmos, comme Héraclite la propose, mais avoir une conscience du tout, c'est tout à fait autre chose. Parce que autant il est facile, avec un certain nombre de concepts, avec un certain nombre de jugements, de démonstrations, d'énoncés, de soutenir un discours ordonné sur le tout, et il y a effectivement un lien que Héraclite a bien montré entre le logos et le cosmos. Bon, effectivement, c'est avec le logos qu'on dit le cosmos, ou le cosmos se laisse dire par le logos. Bon, ça on le sait. Mais quand il s'agit d'avoir une certaine conscience de ce cosmos, là c'est tout à fait différent, parce qu'il n'y a pas de mot qui vient tout de suite. En tout cas, il n'y a pas de mot grec qui nous vient tout de suite. Il n'y a aucun mot grec, par exemple, qui correspondrait à la conscience du monde. Et c'est sans doute pas un hasard. Or, ce qui intéresse Héraclite, ce qui intéresse Aurobindo dans son essai sur Héraclite, c'est comment, à partir de ce que propose Héraclite, il essaie d'ouvrir donc sa dimension métaphysique, en quelque sorte, puisqu'il n'hésite pas à dire qu'il a une dimension métaphysique, à ce qui l'intéresse lui, c'est-à-dire personnellement, par son expérience intérieure, à ce que serait une conscience de plus en plus ouverte du monde, mais pas du monde en tant que simple réalité physique, c'est-à-dire du monde en tant que monde habité, de ceux qui habitent ce monde. Parce que, bon, il n'y a de monde que parce qu'il y a des êtres humains, et pas seulement humains d'ailleurs, pour un Indien, des êtres vivants, qui habitent ce monde. Donc, prendre conscience du monde, c'est aussi prendre conscience de tous ces habitants du monde, sans lesquels, au fond, le monde serait simplement, une boule. Une boule qui tourne sur elle-même et qui n'a pas grand intérêt. Et ça, donc, Sri Aurobindo le trouve chez Héraclite. Il trouve quelque chose chez Héraclite. Il trouve l'idée que, ce qu'il va essayer de montrer, d'abord, c'est assez étonnant parce que il découvre Héraclite, dont il n'avait jamais entendu parler, grâce à un autre essai d'un Indien qui s'appelle Ranade, qui est connu pour avoir écrit des ouvrages sur la philosophie indienne. Mais il prend ses distances avec Ranade, qui essaie d'avoir une interprétation rationaliste d'Héraclite. Non, Aurobindo dit, ce qui est intéressant chez Héraclite, c'est que, il essaie de faire coexister l'être et le devenir, l'un et le multiple, et qu'il n'y a pas à choisir entre l'un et l'autre. Alors là, peut-être qu'on sera amené à revenir là-dessus, parce que, effectivement, Heinz Wissmann, par exemple, en parlait hier, la question, par exemple, du feu. Et j'ai beaucoup aimé ce que disait Heinz Wissmann hier sur le feu. Et alors là, il y a une correspondance étonnante avec les textes védiques. Donc, ce que disait Heinz Wissmann hier sur le feu, c'est que, contrairement à la lecture stoïcienne d'Héraclite, le feu, c'est pas simplement le principe premier qui va animer le cosmos, c'est surtout l'incarnation de la séparation. Pour que feu, il puisse y avoir, il faut qu'il y ait consommation d'un élément et mouvement vertical. Au fond, le feu, c'est la séparation et c'est la rencontre entre deux contraires. Oui, ouais, et j'abonde parce que Aurobindo, par exemple, fait une comparaison entre le feu chez Héraclite et Agni, donc c'est le mot en sanskrit qui désigne le feu, dans les textes védiques, dans le Veda. Et effectivement, dans le Veda, Agni est toujours présenté comme celui qui mange, comme le feu qui dévore. Le feu a toujours faim, disait Heinz Wissmann hier. Et c'est comme Simone Veil, d'ailleurs. Oui, et c'est exactement comme Simone Veil, qui, elle, pense à une Upanishad, parce qu'il y a une Upanishad qui parle de deux pigeons, l'un qui mange et l'autre qui regarde l'autre pigeon en train de manger. Donc il se nourrit simplement du spectacle de l'autre pigeon en train de manger. Et là, effectivement, le feu, c'est celui qui dévore. Il est même menaçant dans les Védas, parce qu'il menace même de manger le maître des créatures, Prajapati, qui lui a donné naissance. Donc il est même prêt à manger son propre géniteur, ce qui est très très oedipien. Mais ce qui est fou dans ce que vous dites, c'est qu'il y a des liens au-delà, même plus que thématiques, quasiment métaphysiques, entre ce qu'écrit Héraclite au moment où il écrit en Occident et les Védas. Enfin, dire c'est quand même, alors que c'est deux univers qui ne se connaissent pas à l'époque. Oui, mais alors là, il y a quelque chose de vraiment très intéressant chez Aurobindo. Aurobindo, c'est un philosophe intuitif. Je veux dire par là que c'est un philosophe qui ne systématise pas sa pensée. qui a simplement comme des espèces comme ça de fulguration et qui ne les développe pas. Mais par exemple, il dit au tout début de son essai sur Héraclite une chose étonnante. Il dit « Héraclite est un penseur de la transition ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il dit qu'il est dans le passage entre l'époque orphique, l'époque orphique homérique, l'époque qu'il appelle des mystiques, d'une pensée mystique, à l'époque philosophique, avec Platon qui font de la philosophie et qui font de le rationalisme. Et Robindo dit, Héraclite, il est entre les deux. Il est entre la pure pensée orphique, pure pensée métaphorique, et la pure pensée rationnelle. Mm. Et ça, c'est très intéressant parce que, en 49, Karl Jaspers, le philosophe allemand Karl Jaspers, va reprendre la même idée, en appelant ça l'époque axiale. Vous connaissez donc cette théorie très célèbre de Jaspers. Dites-nous. Bah, Jaspers, disons, développe une hypothèse historique qu'il appelle l'époque axiale. Il dit que au VIe siècle avant notre ère, dans le Moyen-Orient, en Inde et en Chine, se passe le même événement intellectuel, c'est-à-dire qu'on passe d'un monde entièrement religieux où l'homme est immergé dans le religieux, où il peut se contenter donc de faire des sacrifices, de poursuivre une vie cultuelle. On passe de ce monde entièrement religieux, où l'homme, au fond, n'existe que par rapport au religieux, à un monde où l'homme va chercher sa voie personnelle de salut. On la trouve évidemment avec l'Ancien Testament, avec les Upanishads, donc c'est les Védas, et avec le taoïsme. Et donc Karl Jaspers dit que là, effectivement, il y a un passage dans l'histoire de l'humanité qui correspond à ce VIe siècle avant notre ère. Or, ce qui est très étonnant, c'est que Aurobindo, évidemment bien avant donc Karl Jaspers, dit quelque chose qui pourrait faire penser à l'hypothèse de Karl Jaspers, en disant qu'il y a une transition, effectivement. On n'est plus dans le monde entièrement religieux qu'il appelle, lui, le monde mystique, le monde orphique, et on n'est pas encore dans le monde de la philosophie rationnelle, conceptuelle. On est dans le passage. Et il dit que Héraclite, c'est le philosophe du passage. Justement, c'est intéressant, c'est qu'il y a un double sens quand on dit Héraclite est le philosophe du passage, puisque il est lui-même dans le passage et il est le philosophe qui se fait connaître par ses idées sur le devenir, sur le changement, sur le processus. Est-ce que vous pensez que Karl Jaspers a lu Aurobindo ? Je ne crois pas, pas du tout. Non. Ouais. Karl Jaspers, effectivement, ignorait certainement. Il connaissait les Upanishads, il connaissait les Védas, mais il ne connaissait pas Aurobindo. D'ailleurs, je le rappelle, hein, ce texte-là est quand même très peu connu. Et le texte de Sri Aurobindo sur Héraclite, il fait quoi, quelques pages. Enfin, c'est quatre courts chapitres. On le trouve la jeune édition aux éditions Albin Michel. On peut se le procurer. Oui. Il est un peu difficile à lire, mais il pose vraiment les choses de manière assez claire, non, Marc Balanfa? Enfin, vous qui l'avez découvert, vous aussi, pour l'émission, c'est une lecture que vous recommandez? Ah bah, moi, je trouve qu'il est très éclairant. Par exemple, sur beaucoup de points, il est extrêmement éclairant. Ouais. Aurobindo essaie d'expliquer pourquoi l'interprétation nietzschéenne est insuffisante. Ça, c'est très intéressant. Parce qu'Aurobindo connaît aussi très bien l'allemand. Donc, il lit Nietzsche en allemand, comme il lit les Grecs en grec. Et il dit, mais c'est simple, en fait, ça c'est mon interprétation, ce qu'il reproche à Nietzsche, au fond, c'est d'être hegelien sans le savoir. Dire, Nietzsche fait du Hegel, mais sans dire que ça vient de Hegel. C'est-à-dire que Nietzsche dit, Héraclite, c'est le philosophe du devenir, voilà, donc grâce à Héraclite, enfin on peut s'éloigner de l'être, enfin donc on ruine l'être, etc., etc. Bon. Mais tout ce discours qui oppose le devenir à l'être, c'est une réédition de Hegel. Hegel dit exactement la même chose, sauf qu'il le dit de façon beaucoup plus subtile. Hegel dit dans sa logique, on ne peut pas penser le devenir sans penser l'être. Et qu'est-ce qu'il en conclut ? Que Parménide précède Héraclite, alors qu'historiquement, c'est Héraclite qui précède Parménide. Mais pour Hegel, ce n'est pas grave. Hein, on peut précéder logiquement alors qu'on est postérieur historiquement. C'est la magie de la dialectique. Voilà, c'est la magie de la dialectique. Et donc Hegel dit, on ne peut pas comprendre le devenir sans comprendre l'être. Et qu'est-ce que dit Aurobindo ? Il dit, effectivement, il faut parler du devenir. Oui, le devenir est important, mais le devenir n'a de sens que par rapport à l'être. Mm-hmm. Donc, condamner l'être au nom du devenir, dit Aurobindo, c'est une simplification que fait Nietzsche. Alors, je renvoie à l'émission de mardi dernier. On parlait des liens entre Nietzsche et Héraclite avec Philippe Choulet. C'était, voilà, il montrait que c'était pas aussi simple que ça, non plus, cette opposition. Mais en effet, Sri Aurobindo revient sur ce point-là. Je vous propose qu'on écoute un texte pour qu'on ait une idée quand même de ce qu'il y a dans ce texte, Marc Balanfa. Un texte dans lequel Sri Aurobindo semble dire que Héraclite, la pensée d'Héraclite à ses yeux, alors évidemment, elle a l'avantage de proposer une pensée du devenir, qui n'est pas sans lien avec la spiritualité indienne, mais elle a un problème qui est de ne pas être assez directement pratique. Écoutez le texte. Les idées d'Héraclite sont générales, philosophiques, métaphysiques. Elles visent ces premières vérités de l'existence que la philosophie cherche d'abord parce qu'elles sont la clé de toutes les autres vérités. Mais quel est leur effet pratique sur la vie et sur l'aspiration des hommes? Car, en fin de compte, la réelle valeur qu'a pour l'homme la philosophie, c'est de l'éclairer sur la nature de son être, sur les principes de sa psychologie, sur ses rapports avec le monde et avec Dieu, sur les lignes fixes ou les vastes possibilités de sa destinée. La faiblesse de la plupart des philosophies européennes, c'est qu'elles vivent trop dans les nuages et recherchent la pure vérité métaphysique trop exclusivement pour elles-mêmes. C'est pourquoi elles ont été un peu stériles, parce que portant beaucoup trop indirectement sur la vie. La philosophie indienne a toujours compris sa double fonction. Elle a cherché la vérité non seulement par plaisir intellectuel, ou parce que tel est le dharma naturel de la raison, mais afin de savoir comment l'homme peut vivre par la vérité ou lutter pour l'atteindre. Or, lorsque dans les paroles d'Héraclite, nous cherchons l'application humaine de ces grandes pensées fondamentales, nous sommes déçus. Mercredi 13 mars. Parfois l'Inde donne le vertige. Cet homme qui traverse la foule d'un pas hésitant, sous un soleil de plomb, au milieu d'une cérémonie religieuse exubérante, cet homme est seul. Il porte un échafaudage compliqué, composé d'une centaine de tiges métalliques qui toutes s'enfoncent dans sa chair. Une longue aiguille lui traverse la langue. C'est sans doute un yogi qui pratique un tapas, une ascèse, une des innombrables méthodes plus ou moins cruelles pour macérer son corps, le contraindre et le dominer. Ils sont des milliers comme lui en Inde, fous d'absolu, prêts à tout pour échapper au cycle des réincarnations, pour se délivrer de la souffrance de toujours renaître. Alors dans le texte ici lu par Denis Podalydès, Marc Balanfa, Sri Aurobindo explique pourquoi la pensée d'Héraclite l'a déçue. Mais dans l'extrait qu'on vient d'entendre du documentaire de Louis Malle qui date de 1969, L'Inde fantôme, on peut comprendre d'abord pourquoi il a été séduit, parce qu'au fond ce que décrit Louis Malle face à ce yogi qui porte, dit-il, un échafaudage qui vient s'infiltrer dans son corps, etc., c'est une certaine recherche de l'absolu, une certaine souffrance justifiée, enfin justifiée, exprimant par là la souffrance qui est celle du cycle des réincarnations, et c'est une certaine idée du devenir au fond. C'est comme si la pensée du devenir chez Héraclite faisait écho directement à la spiritualité indienne qui inscrit l'homme dans un devenir perpétuel qui va se réincarner sans cesse. Oui, c'est vrai. Cette idée du devenir par rapport à la transmigration... Aurobindo, il revient à la fin donc de son essai, parce que d'où est extrait le passage qu'on vient d'entendre, ouais. Là, le chapitre 7. Il se trouve que les stoïciens aussi d'ailleurs, qui sont des lecteurs attentifs d'Héraclite, ont bien vu que on peut tirer d'Héraclite l'idée effectivement qu'il y a des cycles. Cosmique, hein, qu'à la fin d'un cycle cosmique, donc l'univers va se détruire pour se recréer. Et cette idée, effectivement, Aurobindo dit, on la trouve exprimée de façon encore plus explicite dans les cosmogonies puraniques, enfin hindoues en tout cas, avec l'idée qu'au bout d'un cycle cosmique, on appelle ça le pralaya, il y a une dissolution de l'univers. Et avec un reste, parce que la notion de reste est très importante, il reste toujours quelque chose, et c'est à partir de ce reste que l'univers suivant va se former. Voilà, c'est ça. Et ici, Aurobindo dit, il y a une comparaison possible, et qui est riche d'enseignements, parce que c'est l'idée que on est dans une vision cyclique du temps comme du monde, qu'il n'y a pas de création du monde comme il n'y a pas de destruction du monde. Donc là, effectivement, il reconnaît que Héraclite, via les stoïciens, peut être comparé parfaitement à la pensée hindoue traditionnelle, parce que on retrouve cette idée parfaitement étrangère aux trois monothéismes, l'idée qu'il n'y a pas de création possible du monde, ni par Dieu, ni par quelque être possible, ni par quelque principe possible, et qu'il n'y a donc pas non plus de destruction du monde. Donc il y a une espèce d'éternité du monde, d'éternité de l'univers, qu'on trouverait donc chez Héraclite, chez les stoïciens et dans les cosmogonies hindoues. Et qui expliquerait pourquoi Héraclite est en train de pleurer. Elle le représente souvent en train de pleurer, justement. Le désespoir de ce devenir, bah, ce serait le même que celui sans doute de ce yogi. C'est le poids du monde, le poids de l'éternité sur ses épaules. Bah alors oui, alors Héraclite, on a des représentations un peu étranges de ce personnage. Mais là, je dirais que dans l'extrait de Louis Malle, il me semble qu'il fait peut-être une confusion entre le sadhu et le yogin. En fait, ce n'est pas un yogin, c'est plutôt un sadhu. Parce que le mot d'ailleurs tapas qu'il utilise, le tapas c'est l'ascétisme, et l'ascétisme ce n'est pas la pratique du yoga, hein. C'est quelque chose de complètement différent. Donc là, effectivement, on est dans une recherche de la mortification du corps, et parce qu'on croit encore que par la mortification du corps, on peut amener l'esprit comme ça à une espèce de séparation, c'est parfaitement étranger au yoga, et c'est même, je dirais, contradictoire avec ce que veut le yoga, puisque le yoga dit exactement le contraire, dit que l'esprit est toujours en rapport avec le corps. Donc là, il ne faut pas faire cette confusion. Or, on peut la faire facilement en Inde, effectivement, dans la mesure où, quelquefois, les sadhus et les yogins ont à peu près la même apparence et qu'on ne peut pas vraiment discerner l'un de l'autre. Mais c'est l'intérêt. Sauf qu'ils n'ont pas le même objectif spirituel. Mais c'est ça, mais c'est l'intérêt de ce documentaire de Louis Malle, c'est qu'il est vraiment, il campe le regard occidental détaché de ce qu'il est en train de regarder, avec les erreurs que ça implique et la fascination aussi. Vous l'avez vu, ce documentaire? Oui, c'est un très beau documentaire. Oui, je le revois même plusieurs fois. Ah bon? Ah oui, il y a des passages que j'adore dans ce documentaire. Oui. Alors, pourquoi Sri Aurobindo dit-il que la pensée d'Héraclite l'a déçu? Il dit que c'est pas assez pratique. Le problème de la philosophie occidentale, c'est que c'est pas assez directement pratique. Vous entendez cette objection? Bah là, c'est intéressant parce que, alors, s'il avait connu peut-être les stoïciens, je sais pas dans quelle mesure il connaît les stoïciens. Les stoïciens, justement, qui sont vraiment héraclitéens, vont essayer de montrer que d'Héraclite, on peut tirer un certain nombre d'applications pratiques. Bon, mais ça, c'est ce que vont essayer de faire les stoïciens. Sur le plan d'Héraclite lui-même, je pense que je comprends en tout cas la déception d'Aurobindo. Et je repense à ce que disait Heinz Wissmann hier. Il n'y a pas de sagesse chez Héraclite. Ouais. Là, croire qu'il y a une sagesse chez Héraclite, c'est faire fausse route. Heinz Wissmann parlait bien du sophone, hein, d'Héraclite, mais qui est donc son habileté technique. Hein, mais ça n'a rien à voir avec une sagesse. Quand on lit ces fragments, alors c'est presque étonnant parce que Aurobindo va même jusqu'à dire que la pensée d'Héraclite est une pensée aphoristique. Alors évidemment, ce qui est faux, dire que c'est assez amusant, c'est-à-dire il n'a pas fait attention au fait que ce qu'il lit, ce ne sont que des fragments. Lui, il prend comme si Héraclite écrivait directement comme sous la forme de fragments. Ouais. Exactement, comme s'il écrivait des aphorismes. Bon, mais peu importe. Ce qu'il retient, c'est que quand on lit les fragments d'Héraclite, effectivement, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour sa vie pratique? En quoi est-ce que je vais mieux? En quoi est-ce que je suis plus heureux si je me dis que les choses deviennent, voilà, tout obéit à Polémos, à la guerre, ou à Eris, à la lutte, en quoi est-ce que ça m'aide à mieux vivre? C'est ça qui l'intéresse, je crois, Aurobindo. C'est ça qui l'intéresse, Aurobindo. C'est ça ce qu'il appelle l'approfondissement de la conscience. Voilà. En quoi est-ce que, alors je vais le redire autrement, en quoi est-ce que Héraclite pourrait m'aider à approfondir ma conscience du monde? Alors, par exemple, dans le chapitre 5, Aurobindo montre bien que ce qu'il aime chez Héraclite, et c'est sans doute qu'Aurobindo repense à sa période révolutionnaire, il dit, c'est l'idée que les choses changent grâce à Polémos, grâce à la guerre. C'est par la guerre que les choses changent. Alors évidemment, là on sent bien qu'il y a peut-être quand même une réminiscence de sa période activiste, parce que il dit, mais ce principe la guerre ou Eris. Ce principe lui-même est donc soustrait à, au devenir. Dire que, parce que Héraclite dit que la guerre, le combat est le père de toute chose. Voilà, est le père de toute chose. Donc, dit Aurobindo, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas que du devenir. Il y a bien, donc bien un principe. Et principe en grec comme en latin, arché, c'est d'abord celui qui commande l'armée. C'est d'abord le chef de l'armée arché. Donc, le principe, c'est ce qui commande. Donc, quand Héraclite dit Polémos est le père, effectivement, le père, c'est celui qui commande. On est encore dans une civilisation où, totalement patriarcale, où le père est celui qui commande à toute la maisonnée. Et de la même façon, le polémos, la guerre, commande aux choses. Mm-hmm. Mais ce principe lui-même, donc, a bien de l'être, dit Aurobindo. Parce que la guerre est la guerre. La guerre ne devient pas autre chose qu'elle-même. Elle ne peut pas devenir autre chose qu'elle-même. Elle est la donc guerre. Donc ça contredit le devenir, c'est ça? C'est-à-dire que, et Aurobindo dit, il ne peut pas y avoir que du devenir chez Héraclite. Il y a de l'être et du devenir. Il mais ça, Hans Wiesmann, en tout cas, disait la même chose hier, que oui, cette fameuse image du fleuve qui est en perpétuel, dont le flux est perpétuel, le fleuve ne peut pas se penser sans les deux rives qui maintiennent le fleuve. Donc, il y a pour que devenir il puisse y avoir, il doit y avoir une fixité qui sont les deux rives, les deux contraires. Au fond, on arrive à une pensée, je dirais, simple, mais c'est pas parce qu'elle est simple qu'elle est pas difficile à mettre en pratique. Il faut essayer d'articuler l'un et le multiple, l'être et le devenir. Ouais. C'est ça qui est difficile. Ce qui est un petit peu gênant chez Nietzsche, je reviens à lui. Vous l'avez pas beaucoup, Nietzsche, non, non, c'est pas ça. Non, au contraire, c'est quelqu'un qui a été très important dans ma formation, mais Nietzsche, qui se dit spinoziste, a oublié une chose, c'est que Spinoza dit toujours, il ne faut jamais introduire la volonté en philosophie. Or, Nietzsche veut trop, il veut démontrer. Et à partir du moment où un philosophe veut démontrer, moi je ne le suis plus. Enfin, en même temps, il n'y a pas moins systématique comme philosophe que Nietzsche. Oui, mais il veut démontrer. On sent qu'il veut démontrer qu'Héraclite est le philosophe du devenir. Mais il change son rapport à Héraclite, justement, au fil des années. Au début, il épuise énormément de choses chez Héraclite, et à la fin, il lui reproche aussi de choses. Enfin, il y a une pensée qui est elle-même en mouvement. Oui, c'est vrai. Donc, cette volonté évolue, donc c'est pas la volonté fixe et toute puissante. Oui, c'est vrai. Mais je dirais que articuler, il me semble qu'il est plus difficile justement d'articuler en permanence l'un et le multiple, parce que articuler l'un et le multiple, on pourrait appeler ça, au fond, c'est rester dans la contradiction. C'est ça qui est intéressant. Rester dans la contradiction. Or, Héraclite, en ce sens, est effectivement important, parce qu'il est sans doute le premier penseur de l'Occident à dire qu'il y a de la contradiction dans le monde, et qu'on ne peut pas sortir de la contradiction, et qu'au contraire, il faut se mouvoir dans cette contradiction. Parce que vouloir en sortir, vouloir la dépasser, bah on voit ce que ça peut donner. Par exemple, ça donne une espèce d'idéalisme allemand absolu, qui se clôt sur lui-même. Et alors là, il n'y a plus de devenir, justement. Donc à partir du moment où on veut dépasser la contradiction, bah on nie le devenir. Donc il faut rester dans la contradiction. Et par exemple, hier au soir, c'est vraiment une coïncidence, j'écoutais Edgar Morin à la Grande Librairie, qui est très héraclitéen lui aussi. Et il a rappelé combien Héraclite l'avait formé, et il a rappelé combien cette idée de l'unité des contraires est une idée centrale dans sa pensée de la complexité. Mmh. Et effectivement, moi, c'est aussi une idée que je trouve absolument d'une profondeur incroyable, au fond, cette idée qu'il y a une unité des contraires. Mais l'idée est séduisante, mais est-ce qu'on la comprend véritablement? Parce qu'au fond, on pourrait aussi comprendre l'unité des contraires comme étant la dialectique dont vous parliez de Hegel, alors c'est pas la même chose. Or, c'est pas la même chose, effectivement. C'est parce que il y a pas le dépassement. Parce qu'il faut pas dépasser la contradiction. Par exemple, il y a un très beau passage que je vous lis, de l'essai d'Héraclite, où Aurobindo dit, tout s'écoule, nous sommes et nous ne sommes pas. Il ferme les guillemets, c'est une citation d'Héraclite. Héraclite ne résout pas la contradiction, il l'expose. J'aime bien. Effectivement, c'est ça. Il ne faut surtout pas essayer de résoudre les contradictions. Mais c'est il faut les exposer. On a l'idée inverse de la spiritualité indienne, de même Aurobindo, ses écrits sur le yoga, on a l'impression qu'il faut atteindre une espèce de paix qui serait, oui, un dépassement ou un minimalisme. Aurobindo avait fait vœu de silence. On a l'impression qu'il y a un retrait du monde qui semble contredire ou incompatible avec cette alliance des contraires dont vous parlez et que lui-même appelle de ses vœux. Aurobindo, par exemple, à son procès auquel je faisais allusion tout à l'heure en 1909, il a beaucoup marqué les juges parce que il y avait une sérénité incroyable qui émanait de lui. alors qu'il était totalement silencieux. Et ça a sans doute joué un rôle dans le fait qu'il n'a eu qu'un an de prison et qu'il n'est pas parti au bagne. Mais il n'avait pas encore fait vœu de silence à ce moment-là. Non, il n'avait pas encore fait vœu de silence. Mais il parlait déjà pas. Mais il ne voulait pas parler. Mmh. Et surtout pas parler de ce qu'avait fait son frère, parce qu'il ne voulait pas que ses propos soient mal interprétés et soient retournés contre son frère. Donc cette sérénité, effectivement, caractérise Aurobindo. Tous les gens qui l'ont rencontré à Pondichéry, à Auroville ensuite, quand Auroville sera fondée, parlaient donc de cette sérénité. C'est pas parce qu'il y a sérénité qu'il n'y a pas une espèce de bouillonnement intérieur. C'est ça. Voilà. C'est une sérénité qui cache un bouillonnement intérieur, parce que c'était quelqu'un qui avait une vie spirituelle très intense. Je veux dire, on le voit dans ses textes, dans ses écrits, dans cette idée que voilà, il faut continuer de croître, d'approfondir. On sent que c'est quelqu'un qui est justement lui-même sans cesse dans le devenir, en devenir, parce qu'il sait que il n'y aura jamais l'homme achevé, que l'homme avec un point, bah, ça n'existera pas. Voilà, l'homme est lui-même en devenir. Mais est-ce que dans ce bouillonnement intérieur, qui est l'émanation du conflit entre les deux contraires, qui ne cessent de vouloir se rejoindre, il y a une forme d'harmonie? Parce que chez Héraclite, il y a une harmonie. L'harmonie, effectivement, Heinz Wissmann en parlait hier, oui. Le mot ne vient pas sous la plume d'Aurobindo dans son essai sur Héraclite. L'harmonie... Alors, il y a plusieurs manières de la voir, l'harmonie. L'harmonie en Inde, ça serait plutôt sur l'idée de dharma. Le mot, on l'a entendu tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire l'idée que, il y a un certain ordre de l'univers auquel, la pensée et le penseur, avec lequel, en tout cas, le penseur doit essayer de coïncider le plus justement possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est aussi qu'une succession de tâtonnements, d'expériences de plus en plus approfondies, parce que pour moi ça me laisse un peu perplexe, parce que ça reste assez abstrait pour moi au fond. Parce que me dire bon, il y a un ordre de l'univers, d'accord, ça j'arrive assez bien intellectuellement à comprendre ce que ça veut dire. Mais ensuite dire comment puis-je coïncider avec cet ordre de l'univers? Est-ce que c'est donc en mettant de l'ordre dans mes pensées, en mettant de l'ordre dans mon existence? Oui, sans doute. Il y a certainement, on appelle ça le svadharma en sanskrit. Hein. Mais au-delà de ça, puisque c'est ce qui intéresse Aurobindo, au niveau de la conscience, qu'est-ce que ça veut dire avoir une conscience qui coïncide avec l'ordre de l'univers? Là, pour l'instant, j'ai pas encore la réponse. Alors peut-être parce que ça dépend d'une expérience. Voilà ce que peut-être me répondrait Aurobindo. Il me répondrait, vous n'avez pas fait l'expérience, un point c'est tout. Mais c'est ce que le yoga est censé apporter. En tout cas, selon Aurobindo, parce qu'il a une forme de yoga particulière qu'il appelle le yoga intégral. C'est ça. Son yoga intégral, ça serait effectivement faire que la conscience, à un moment, se dise, voilà, je suis parfaitement synchrone avec l'ordre de l'univers tel qu'il est là maintenant. Donc ce qui est à la fois très pratique et sans doute inatteignable. Sans doute. Vous n'avez pas encore atteint. Mais en tout cas, effectivement, pour revenir à votre question de tout à l'heure, ça doit aussi se traduire dans la vie par, au moins, par exemple, une forme de sérénité et une forme d'ouverture aux autres. Oui. Alors, un des reproches que Aurobindo fait à Héraclite, c'est sa condamnation du sacrifice. Il n'y a dans les brahmanas aucun moralisme anti-violence. Lorsqu'on a des problèmes avec la violence, la solution n'est pas le renoncement, mais le recours au sacrifice. C'est toujours le sacrifice qui finit par résoudre les rivalités mimétiques et il faut y recourir. Donc, les brahmanas disent aux hommes carrément imiter les dieux, c'est-à-dire rivaliser avec les dieux. Essayer de sacrifier encore mieux qu'eux. C'était la voix de René Girard le 27 janvier 2003 sur France Culture. Marc Balanfa, vous l'aurez peut-être reconnu, René Girard qui insiste sur cette importance du sacrifice. Alors, c'est un point là d'écart entre Aurobindo et Héraclite, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Héraclite est fait, Aurobindo, vers la fin de son livre, effectivement, dit presque en passant, parce qu'il ne s'y étend pas, qu'Héraclite propose une condamnation du sacrifice. Alors, on ne voit pas exactement pour quelle raison, d'ailleurs, Héraclite, je dirais, condamnerait le sacrifice. Est-ce en lien avec sa théorie du devenir? Ça, je n'en sais rien personnellement. Dans la mesure où nous n'avons que des fragments, évidemment, visiblement, là, il nous manque quand même des arguments d'Héraclite, et il devait en avoir. Mais ce que veut dire René Girard, si on revient effectivement sur l'idée de René Girard, dans les brahmanas, effectivement, les brahmanes veulent justifier le sacrifice en disant « Oui, nous ne tuons pas des animaux, nous ne sommes pas des meurtriers. » Là, ils répondent aux bouddhistes, qui les attaquent sur ce point, puisque les bouddhistes, eux aussi, condamnent le sacrifice sanglant. Et, mais les brahmanes disent « Non, non, nous ne sommes pas des meurtriers parce que nous demandons à l'animal son consentement. Et quand nous avons compris que l'animal a consenti, nous pouvons l'immoler. » Alors évidemment, les bouddhistes hurlent de rire en disant « Mais écoutez, vous nous prenez pour des idiots, vous êtes vraiment de mauvaise foi. Comment pouvez-vous savoir qu'un animal consent à son immolation ?» Bon, on sent bien que là, effectivement, c'est un argument un petit peu tiré par les cheveux. Bon. Mais le point est important quand même, parce que ça va au-delà du détail sur le sacrifice. Ça veut dire, en fait, Aurobindo dit que l'Occident aurait méprisé le sens du sacrifice, aurait anéanti, alors que dans les religions, et notamment en Inde, on aurait conservé le sens des sacrifices symboliques. C'est une conception complètement différente de la religion et de la spiritualité. Oui, mais alors, il rappelle aussi, mais très rapidement, mais là c'est sa culture anglaise qui revient, que l'Eucharistie, au fond, est un magnifique substitut du sacrifice. Donc il dit qu'il reconnaît quand même que dans le christianisme, il y a bien... Le sacrifice, au fond, est toujours présent. Hein, on le voit bien, par exemple, à Pâques, qui a eu lieu, qui est juste derrière nous. L'agneau pascal doit être sacrifié, et le gigot se retrouve sur la table. Bon, donc tout le monde trouve ça tout à fait normal. Donc, il a conscience que l'Occident a laissé la pensée du sacrifice peut-être derrière elle, et qu'elle est allée vers autre chose, parce que même dans cet exemple que je prenais de l'Eucharistie, au fond, beaucoup de gens n'ont pas conscience de l'arrière-fond sacrificiel qu'il y a derrière cet acte. Or, pourtant, il y est, il n'y a pas de doute. Vous ferez cela en mémoire de moi, buvez mon sang, mangez mon corps. Mais c'est le christianisme. Aurobindo parle d'Héraclite, c'est avant le christianisme. Il parle d'Héraclite, et on sent dans ce point-là en particulier la volonté d'éloigner Héraclite. Rappelons-nous le texte qu'on a entendu. Héraclite nous a déçus, dit Aurobindo. Il y a quand même une envie qu'on sent à la fin du texte de reprendre sa distance et dire, mais attention, il y a beaucoup de points communs entre la pensée d'Héraclite et la spiritualité que je prône par ailleurs, dit Aurobindo. Mais il y a aussi beaucoup d'écarts. Vous sentez cette envie de... Non, c'est pas la même chose. Vraiment, il tient à dire que les points communs sont limités quand même. Mais ce que je sens bien, parce qu'il le dit d'ailleurs explicitement dans son essai, c'est qu'à plusieurs reprises, il compare Héraclite et les bouddhistes. Et il appelle les bouddhistes nihilistes. Ce sont probablement donc les bouddhistes de l'école de Nagarjuna, de la vacuité, qu'on appelle les bouddhistes nihilistes. Or, c'est intéressant cette comparaison que Aurobindo fait entre Héraclite et les bouddhistes nihilistes, parce qu'il y aurait cette idée qu'effectivement, puisqu'il n'y a que du devenir, puisqu'il n'y a que de l'impermanence, comme disent les bouddhistes, puisque rien ne demeure, toute pensée du sacrifice est effectivement condamnée, puisque la pensée du sacrifice présuppose que quelque chose demeure, et que ce quelque chose qui demeure va être adressé à des divinités, ou on va voyager, et que s'il n'y avait pas quelque chose qui demeurait, il n'y aurait pas de rétribution attendre du sacrifice. Donc il a bien conscience qu'une pensée d'un devenir radical rend tout culte impossible, rend tout sacrifice impossible, rend tout, je dirais, même tout geste religieux impossible, puisque nous ne sommes, puisque rien ne demeure. Alors, est-ce vrai? Là, c'est une autre question, effectivement. Je pense qu'il exagère sans doute un peu. Mais on sent qu'il a une animosité à l'égard d'Héraclite, parce qu'elle lui vient aussi de son association avec les bouddhistes. Et on sent bien qu'il n'aime pas les bouddhistes. Et un dernier point, c'est celui du mysticisme, justement, parce qu'on, est-ce qu'il faut-il qualifier Héraclite de mystique? Est-ce que Aurobindo lui-même se revendiquerait comme mystique? Autour de ce terme se cristallise beaucoup d'ambivalence. Ce terme de mystique, effectivement, est très, très souvent mal utilisé. Je dirais que Aurobindo, qui est un très bon helléniste, se rappelle l'étymologie du mot mystique. Mystique, ça veut dire au départ qui est lié au mystère. Donc, le mystès, c'est celui qui... C'est l'initié, en fait. C'est purement et simplement. C'est celui qui a été initié au mystère. Or, Héraclite ne peut pas être un pur mystique, puisque, comme je l'ai dit au début, il est dans la transition entre la pensée mystique, qui était la pensée orphique et la pensée homérique, et la pensée philosophique rationnelle. Il est entre les deux. Donc, il ne peut pas être mystique. Simplement, Aurobindo dit aussi, par exemple, j'avais noté cette phrase, « La méconnaissance des mystiques est la grande faiblesse que présente l'exposé moderne de l'évolution de notre pensée. » Exactement. Alors là, évidemment, il faut savoir quel sens donne-t-il à mystique. Si c'est toujours le sens que je viens de signaler, c'est-à-dire le sens le plus ancien, le plus archaïque, je dirais, ça veut dire qu'on doit se souvenir que notre pensée a un fond archaïque, qui est le fond mystique, que Karl Jaspers appelle donc le monde religieux, le monde dans lequel l'homme est entièrement religieux, parce que même aujourd'hui, nous continuons à certains moments, sans en avoir souvent conscience, de réactualiser des pensées qui nous viennent de ce fond mystique. Oui. De ce moment où, au fond, l'homme, justement, n'avait pas de questions à se poser, n'avait pas de choix à faire. Il était dans un monde entièrement religieux, où tout était religieux autour de lui. Ça, c'est le monde des mystères. C'est le monde mystique où vous n'avez qu'à vous laisser initier, vous vous laissez porter, et c'est tout. Or, nous ne sommes plus dans ce monde-là, c'est clair. Mais nous savons que nous venons de ce monde-là. Donc de ce monde où on n'hésitait pas effectivement à immoler des animaux, où on n'hésitait pas donc à sacraliser la violence. Aujourd'hui, évidemment, ce monde-là nous fait presque peur, un peu, enfin, peut-être même nous terrorise. Je pense que ça me terroriserait si je devais assister à l'immolation d'un animal, même pour des raisons mystiques. Non, mais c'est intéressant, ça veut dire que même la spiritualité d'Aurobindo n'est pas du mysticisme, vous distinguez bien les deux. Oui, je pense que ce n'est pas du mysticisme au sens étymologique du terme. Maintenant, le mot mystique a aussi un second sens, qui est souvent, je dirais, le sens le plus usuel, qui est, on appelle pensée mystique une pensée du tout, une pensée de l'union avec le tout, vous voyez, ce que Romain Rolland appelait le sentiment océanique. Mais c'est surtout ce qui échappe à la raison, ce qu'on appelle... Alors voilà, et qui échappe à la raison. Alors, il se peut que... Par moment, Aurobindo donne à un mystique ce sens-là aussi, voilà, d'une pensée qui serait non entièrement rationalisable. Oui, par exemple, Simone Veil aussi utilise souvent le mot mystique au sens où, voilà, il y a quelque chose qui échappe à la raison. Alors là, effectivement, là, c'est le sens dérivé. Le sens d'ailleurs que nous utilisons le plus souvent aujourd'hui. Et c'est une des choses qui rend le texte d'Aurobindo sur Héraclite passionnant, justement, c'est ce lien entre la rationalité, l'intelligence et alors ce qu'on pourrait appeler ou le mysticisme ou la spiritualité, mais qui semble échapper à la rationalité. On retrouve la puissance dynamique des deux contraires qui tentent de se rejoindre sans y parvenir. On recommande la lecture de ce texte, si vous le trouvez, donc, d'Aurobindo sur Héraclite. On le trouve dans un recueil qui s'appelle « De la Grèce à l'Inde ». Sous les yeux, c'est ce que j'ai sous les yeux. C'est un recueil qu'on trouve aux éditions Albin Michel. Merci infiniment, Marc Balanfa, d'être venu nous en parler ce matin. Merci, Adèle Vendrette. Ça donne très envie de s'y plonger. On se quitte avec Amrita Banerjee. Aurobindo's Gayatri par Amrita Banerjee. Donc sur France Culture, les chemins de la philosophie, on passe d'Héraclite à Aurélien Bélanger. Et oui, c'est le devenir, le flux perpétuel. Aurélien Bélanger et sa question philo du jour. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Alors, est-ce que votre question est héraclitéenne? Je vous laisse juge. En tout cas, la voici. D'où vient cette irrépressible envie de regarder CNews? Eh bien, on reconnaît les vieux hommes politiques, tous bords et tous âges confondus, à ce qu'ils sont restés, de façon un peu anachronique, en guerre contre l'anonymat sur les réseaux sociaux et contre la dictature de l'actualité. Complot fomenté à coups de faits divers et de petites phrases par BFM TV, chaîne d'infos en continu, partie à l'assaut sinon de la démocratie elle-même, sinon du temps long, du fameux temps long nécessaire à son exercice serein. On en oublierait, à les écouter, que BFM TV fait depuis quelque temps plutôt penser à un temple de la raison, qu'on l'allume et on verra que l'actualité y est traitée par le majestueux Bruce Toussaint à un rythme sénatorial. Cela, on le sait, est dû à la montée en puissance de CNews, prétendue concurrente, mais qui est tout sauf une chaîne d'information en continu. Alors qu'est-ce que c'est alors, CNews? C'est une chaîne d'opinion, un Fox News à la française, ou pour le dire de façon expéditive, une chaîne qui ne traite pas de l'actualité, mais qui prétend la faire. Et la chose, à un an de la prochaine présidentielle, s'est encore intensifiée. Il n'y a plus un jour sans que CNews ne lance dans l'espace médiatique un ou deux sujets polémiques nouveaux. Et quand des personnalités tentent rationnellement de venir expliquer à son antenne qu'à ce rythme, c'est le pays entier qui va devenir fou, qu'on ne peut pas à ce point en intensifier les fractures sans qu'à la fin, il ne casse, ces personnalités s'y font proprement engueuler. Ainsi, récemment, d'Audrey Pulvar venu rappeler à Laurence Ferrari que peut-être les violences policières avaient atteint dans notre pays un niveau systémique. Cela m'a rappelé d'anciennes convocations dans le bureau du proviseur. Non, monsieur Bélanger, vous n'avez pas le droit d'être de gauche, cela est impossible, cela sera même, on l'espère, bientôt interdit. Ou bien vous pouvez être de gauche selon les normes de notre nouveau règlement intérieur, par exemple en manifestant avec l'extrême droite pour soutenir la police, ou bien en rejoignant un stage de citoyenneté façon survivaliste organisé par le Printemps républicain. Alors j'étais à Berlin l'autre jour, j'ai même écrit pour tout vous dire cette chronique devant la grotte de Neptune, dans le parc du château de Sanssouci, en contrebas de l'avenue Voltaire. Et je n'arrivais pas à comprendre comment on avait pu associer autrefois la France à des valeurs de calme et de douceur de vivre. Tous les jours, je passais devant leur hashtag, maintenant le plus paisible des bâtiments de la Terre, et je n'avais qu'à allumer mon Twitter une seconde pour avoir l'impression que la France était entrée, sinon en guerre civile, sinon dans l'ultime étape de sa déliquescence fasciste, et je me disais chaque jour qu'on n'était plus qu'à un jour ou deux d'un attentat fasciste à la Papacito, et qu'on verrait sur CNews tel ou tel éditorialiste savoureux et bien connu juger l'acte atroce, mais relativement truculent quand même. Alors j'ai compris ce que c'était CNews dans notre démocratie fragilisée, c'était tous les jours l'incendie du hashtag. Voilà le spectacle auquel nous étions quotidiennement conviés. Bon, vous savez ce qu'on répond dans ces cas-là, Aurélien, rien ne vous oblige à regarder cette chaîne, hein? Bien sûr, mais je ressens presque le besoin vital de me retourner sans cesse pour savoir à quelle distance l'adversaire est de moi. Un intellectuel qu'on ne peut pas soupçonner de fascisme, Walter Benjamin, et que l'exil parisien avait excessivement prévenu du péril fasciste, ne pouvait ainsi s'empêcher, à Paris, de lire quotidiennement l'Action française qu'il jugeait le mieux informé des journaux parisiens. Sans doute car il était en capacité, en ces toutes fins des années 30, d'informer directement le réel. C'est un peu le rapport que j'entretenais à CNews depuis l'indolent Berlin. Le pire, c'est que j'y suis allé en plus sur le plateau de CNews et qu'il est ridiculement petit, sinon prenable. Sauf que je crois que depuis, ils ont déménagé. Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci, un immense merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, grâce à qui cette série sur Héraclite, comme toutes les séries chaque semaine d'ailleurs, a été possible. Aujourd'hui, l'émission a été préparée par Manon de la Selle. Elle était en compagnie, comme chaque semaine, de Jules Barbier, Clémentine Marais, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Lila Bozès, Laurence Malanda, qui a réalisé pour vous cette série d'émissions autour d'Héraclite. À la prise de son aujourd'hui, c'était Ludovic Auger, à la lecture des textes Denis Podalides. On se retrouve demain, ce sera plus Héraclite, mais le cours particulier. Comme tous les vendredis depuis plusieurs semaines, vous le savez, on donne la parole à une personne qui vient parler de son métier, d'un point de vue pratique, que ce soit un musicien, un philosophe, un charpentier, un homme politique. Eh bien, demain, je suis très heureuse de donner la parole au philosophe Peter Sloterdijk, donc qui viendra nous accorder un entretien à l'occasion de la sortie de son dernier livre sur la religion, justement. Donc, entretien à écouter de 10h à 11h, comme d'habitude, hein, sur les chemins de la philosophie, sur France Culture. D'ici là, vous pouvez réécouter cette série autour d'Héraclite en vous rendant sur le site de France Culture. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger. Pour ce faire, vous avez plusieurs options à votre disposition. disposition. Vous pouvez commencer par télécharger l'application Radio France qui vous permet d'écouter toutes les émissions en direct ou en podcast. Rendez-vous sur iTunes, sur Spotify, beaucoup de plateformes vous proposent d'écouter les émissions en téléchargement. Ça vous permet de les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. On est toujours ravis de vous y croiser. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.